Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Les premiers disciples. Jean 1, 35 à 51. Jean 1, 35 à 39. 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu ? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. Christ est la parole de Dieu incarné, la divinité même. La vie est la source de lumière. C'est la description que fait l'évangéliste de son essence. Il a aussi décrit le ministère et les œuvres de Jésus. Il est le créateur et le protecteur de tout. Il nous a donné une nouvelle naissance de Dieu en tant que Père compatissant. Voilà l'agneau de Dieu, résume tous les attributs se trouvant en Jésus. Au verset 14, il avait décrit l'essence et la source de Christ, tandis qu'au verset 29 et 33, il décrit le but du service de Christ. Christ s'est fait homme pour être mis à mort en victime offerte à Dieu, qui a donné son Fils pour porter nos péchés et nous libérer du jugement. Dieu a voulu ce sacrifice et l'a offert aussi bien que béni et accepté. Paul dit, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 2 Corinthiens 5, 19. Il ne nous est pas facile de saisir l'expression « agneau de Dieu », puisque nous ne tuons plus les animaux en expiation pour nos péchés. Un érudit du système sacrificiel de l'Ancien Testament comprend le principe divin qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il est étrange que Dieu ne punisse pas nos péchés en versant notre propre sang, mais qu'il ait donné son Fils dans ce but. Le Saint est mort pour des rebelles comme nous. Le Fils de Dieu a été tué pour les péchés des coupables, pour faire d'eux des fils justes du Père céleste. Adorons-le et magnifions-le, unis au Fils et au Saint-Esprit qui nous a rachetés. Les deux disciples n'ont pas tout de suite réalisé la profondeur de la signification de l'expression « agneau de Dieu ». Mais en voyant Jésus au travers du Baptiste, ils ont aussi désiré connaître celui qui devait être Seigneur, juge du monde et en même temps le sacrifice pour l'humanité. De telles pensées occupaient leur esprit alors qu'ils écoutaient attentivement. Jésus n'a pas détourné les disciples de Jean. C'est plutôt le Baptiste qui les a envoyés vers Jésus. Les disciples ont consenti à cette nouvelle allégeance. Jésus connaissait leur attente et leur but. Ils ont vu en Jésus l'amour et la grâce, et ont entendu les premières paroles de Jésus, « Que cherchez-vous ?» Le Seigneur ne leur a pas imposé de lourdes doctrines, mais il leur a donné l'occasion de dire ce qu'ils pensaient. « Et vous, frères, que cherchez-vous ? Quel est le but de votre vie ? Voulez-vous Jésus ? Allez-vous suivre l'agneau ? Étudiez ces grandes vérités. » Les deux disciples demandèrent à Jésus de pouvoir l'accompagner chez lui. Les interrogations de leur cœur étaient trop nobles pour en parler au milieu de bruits de la foule. Jésus répondit, « Venez et voyez. » Il n'a pas dit, « Venez, étudiez avec moi. » Mais ouvrez vos yeux, et vous verrez ma véritable personne, mes actions et ma puissance, et vous discernerez une nouvelle image de Dieu. Celui qui s'approche de Christ reçoit une vision renouvelée du monde et voit Dieu comme il est. La vision de Jésus renverse notre système intellectuel. Il deviendra le centre de notre pensée et la cible de nos espérances. Venez et voyez comme l'ont fait les deux disciples. Avec les apôtres, ils ont confessé et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Ils restèrent toute la journée avec Jésus. Que sont merveilleuses ces heures de grâce! L'évangéliste déclara que ce jour béni fut décisif pour lui. Il comprit plus tard la vérité sur Jésus, sous l'inspiration de l'Esprit, car son Seigneur avait accepté sa foi et lui avait accordé la justice et la certitude que Jésus était le Messie promis. La lumière de Christ a-t-elle lui dans les ténèbres de votre âme? Est-ce que vous le suivez en tout temps? Prière. Nous magnifions ton nom et te louons. Saint agneau de Dieu, tu as ôté le péché du monde, nous réconciliant avec Dieu. Ne nous rejette pas, mais laisse-nous te suivre. Pardonne nos transgressions, révèle ta majesté, afin que nous puissions te servir avec dévouement. Question 20. Pourquoi les deux disciples ont-ils suivi Jésus? Jean 1, 40 à 42. 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » André, le frère aîné de Pierre, était un pêcheur de Bethsaïda, sur les bords du lac de Tibériade. Il était venu vers le Baptiste pour recevoir le pardon de ses péchés et attendre la venue du Messie. André avait accepté le témoignage du Baptiste et suivi Jésus. Son cœur était dans la joie. Il était incapable de garder sa découverte pour lui et alla la partager à son frère, et non à des étrangers. Voici comment André lui annonça la bonne nouvelle. « Nous avons trouvé le Christ promis, le Sauveur et Seigneur, l'Agneau de Dieu. » Il se peut que Pierre ait eu des doutes, mais André le convainquit. Finalement, Pierre l'accompagna vers Jésus, quelque peu troublé. Lorsque Pierre entra dans la maison, Jésus l'appela par son nom. Il lisait dans ses pensées il lui donna un nouveau nom, Pierre. Jésus connaissait tout du passé de Pierre, de son présent et de son avenir et de sa témérité. Jésus connaît les cœurs qui lui sont ouverts. Pierre comprit et céda instantanément au regard du Seigneur. Jésus entreprit de transformer petit à petit ce pécheur impétueux en un solide rocher. En Christ, il devint un fondement pour l'Église. Dans un certain sens, André fut un disciple pionnier. Un autre disciple fut également un instrument pour son frère. Jean conduisit son frère Jacques à Jésus. Bien qu'il ait caché les deux noms dans son évangile, un signe de modestie. En fait, André et Jean furent les deux premiers disciples à avoir rencontré Jésus. La beauté de ces versets d'introduction réside dans l'analogie avec le lever du soleil, l'aube d'une nouvelle ère. Ces croyants n'étaient pas des égoïstes. Ils ont conduit leurs frères à Christ. À ce stade, ils ne parcouraient pas les grandes routes et les chemins pour évangéliser, mais concentraient leur énergie sur leurs parents et les conduisaient à Christ. Ils ne poursuivaient pas les sceptiques ou les politiciens, mais cherchaient ceux qui avaient faim de Dieu, les cœurs brisés et repentants. Ainsi, nous apprenons comment transmettre la bonne nouvelle de la grâce, non dans un excès de zèle, mais avec la joie qui émane de notre relation avec Jésus. Ses premiers disciples n'ont pas suivi des écoles théologiques, ni écrit leur biographie, mais ont témoigné en paroles de leur expérience. Ils avaient vu et entendu Jésus, touché sa main et lui avaient fait confiance. Cette relation intime était la source de leur autorité. Avez-vous rencontré Jésus en découvrant l'Évangile? Avez-vous conduit vos amis à Christ en douceur et avec conviction? Prière. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la joie de nos cœurs. Amène-nous avec douceur à conduire d'autres à toi. Donne-nous l'envie d'évangéliser avec amour. Pardonne notre peur et notre timidité, afin que nous puissions témoigner en ton nom avec courage. Question 21. Comment les premiers disciples ont-ils répandu le nom de Jésus? Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 60513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.